Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, classer les choses, penser les hommes. Une série de Laetitia Druard réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a les boîtes où l'on range nos lettres, les vieux papiers dans le grenier, les photos dans la vieille boîte à gâteaux et ces vieux agendas de nos grands-parents ou cette vieille liste de courses que l'on n'a jamais relue mais jamais jetée non plus. Il y a aussi ces tiroirs de bois bien vernis et ces petites fiches cartonnées dont l'encre a pâli et qui sont encore les signes particuliers de certaines bibliothèques. Et puis il y a ces herbiers avortés, ces vieilles collections de coquillages ou cette inquiétude de ne jamais pouvoir retenir le nom de tous les arbres. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ranger, trier, tout remettre au propre dans un tableau, un schéma, dans des colonnes bien droites et puis surtout garder une trace, parfois ça rassure. Alors pour commencer, les personnages. Un musicien qui chasse les sons de la ville, un chercheur qui scrute la glace, un conservateur qui veille sur un herbier, un voyageur disparu dans le passé, un spécialiste du vivant, un botaniste enthousiaste et un zoologiste. Ensuite, le décor. Des voix humaines, les sons d'un hôpital ou ceux d'une usine, des glaciers qui ne sont plus si éternels, des plantes, des feuilles, des graines, des fleurs, des escaliers étroits, des chemises de carton, de la poussière et pas trop de lumière. Aujourd'hui, deuxième épisode, on commence par sortir les vieilles boîtes. Donc on va dans mon couloir. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui sont là. Alors, elles sont en l'air. Il y en a quelques-unes qui sont là. Il y en a d'autres qui sont ici, dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc c'est mélangé, il y a vos chaussures et au-dessus, il y a les... C'est la vie de la maison, ça. Alors, ça, c'est quoi, tout ça ? Ça, c'est une grande collection. Ça, c'est que des prises de son, ça. Alors que ça, c'est toute une école. Ça, c'est un canal. Ça, c'est en Angleterre, un travail que j'ai fait en Angleterre. C'est aussi des bandes de création, ça. Hein. Comme je ne sais pas où mettre toutes ces bandes, j'ai trouvé une astuce qui consiste à les mettre au plafond, au-dessus d'autres choses, enfin, dans un grand couloir qui fait, je sais pas, 8 mètres de long. Et toutes les bandes sont alignées en linéaire sur une espèce d'étagère horizontale. Voilà, et donc c'est que des boîtes métalliques. Ailleurs, il y a des boîtes en carton, mais là, c'est que des boîtes métalliques et il y en a plusieurs centaines, je pense. Épisode 2, le monde en collection. Inventaire de la nature et des hommes. Et donc l'hôpital, il se trouve là. Il y a une partie qui se trouve là, donc il faut que j'aille chercher une chaise. J'ai un trois pattes dans lequel je vais me casser la figure. Hop là. Alors, vous voulez que je vous les passe ? Il y a de la poussière qui tombe. Il y a de la poussière qui tombe, là. Ça va être lourd, hein. On va peut-être s'arrêter là. Oui. On va peut-être pas tout prendre. En même temps, comme les étiquettes sont... Voilà. Bon, ben on repart avec ça. Allez, c'est le transport dans la logique, là. C'est le retour dans le futur. Hein. Alors voilà, là on a la boîte, donc ça s'appelle Hôpital de la Fontaine, c'était à Saint-Denis. On a la boîte B15 qui parle des consultations externes. Et donc vous voyez cette boîte, il y a une amorce bleue qui nous dit que ça tourne en 19 cm secondes. La bande est assez en bon état d'ailleurs. Hein. Ça date d'il y a 20 ans, hein, ça. Ça a 20 ans. Et c'est un bobino dans lequel on voit toutes les amorces. Donc là, il y a plein de prises de son dans les consultations externes. Donc il y a plusieurs espaces des consultations externes, et puis c'est plusieurs jours. Les consultations externes, c'est vraiment quelque chose qui vit beaucoup en fonction des gens. Donc ça change tout le temps. Donc effectivement, il faut y repasser régulièrement. Celle-là, on est en diabétologie. Novembre 94. Ça fait plus de 23 ans. Prise de son verticale, prise de son horizontale. Ça, c'est intéressant parce que je me mets par exemple dans un étage où il y a toutes les chambres et je décide de faire de façon méthodique toutes les chambres. Le soir ou la nuit, pour entendre l'ambiance de chaque chambre, pour voir si les patients sont tous traités à la même enseigne en termes d'acoustique ou d'environnement sonore urbain. Et après ça, je prends une verticale et je fais tous les étages, je fais toutes les chambres. Sur les 8, il y avait 8, 9 étages à cet hôpital. Donc effectivement, au premier étage, ils entendent la ville, au 10e étage, ils entendent les avions, ils entendent l'ambiance générale de la ville, ils n'entendent pas l'anecdote du quotidien, mais ils entendent, voilà. Et ça, c'est une sonnette de porte. On est rue du Faubourg Saint-Martin, chez moi. Je m'appelle Nicolas Frise et je suis compositeur. Moi, je fais un travail un peu particulier qui consiste à comme je suis preneur de son, en étant musicien électroacousticien, donc j'ai fait beaucoup de prises de son et je me suis rendu compte que ces prises de son étaient des trésors qui intéressaient tout le monde. C'était des états sonores d'une époque, d'une situation, quand j'enregistrais un hôpital tout entier, quand j'enregistrais une usine tout entière, quand j'enregistre toutes les voix des gens, etc. Je m'aperçois bien que je fais des petits faits historiques. En fait, au départ, c'est une commande du comité d'entreprise de Renault qui, voyant que l'usine allait fermer et que tout était en train de se démanteler, m'a appelé en urgence pour me demander de faire la mémoire sonore de l'entreprise. Donc j'enregistrais, pas tout à fait les 16 000 postes de travail, mais j'enregistrais absolument toute l'île Seguin et tout ce qui était sur Boulogne et sur Saint-Cloud. Ce qui les intéressait, c'était la mémoire. C'était ce travail de sauvegarde, de sauvegarde du présent et sauvegarde du travail. Moi, je trouve ça assez incroyable qu'un comité d'entreprise en 94... Et l'intelligence de se dire, on va commander une mémoire sonore, parce qu'ils auraient pu vouloir faire du cinéma. La facilité, c'est de faire des photos ou du cinéma. C'est pas de faire venir un compositeur et lui demander de faire une mémoire sonore. Je trouve que c'est très éclairé, ça, comme comportement. Enfin, c'est très, très instruit. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent à travers le son et qui ne se disent qu'à travers le son. C'est-à-dire que si on avait l'image, on ne les entendrait pas, parce qu'on verrait l'action et on ne ferait pas attention à ce qui est en train de se produire en termes auditifs. Il y a des ouvriers qui sont capables de travailler des pièces au micron près uniquement à l'oreille. Ils peuvent fermer les yeux, le travail se fait. Il y a des ouvriers qui, quand ils rentrent dans un atelier, savent très bien quelles sont les machines qui marchent et qui marchent pas. C'est-à-dire les gens qui sont malades ou s'il y a des grèves ou s'il y a des absences, uniquement à l'oreille. C'est-à-dire qu'ils ont une oreille qui est extrêmement instruite. Et ces choses-là, dans le cinéma, on n'en parle jamais. L'intérêt de la radio, l'intérêt du son, c'est qu'il nous dit beaucoup plus que tout ça. Ils nous disent qu'on n'entend pas quand on regarde. Donc j'ai été confronté à un travail un peu brutiste, disons. Et j'ai commencé à faire ça de façon méthodique. Puis j'avais un camion studio dans lequel je me déplaçais dans l'usine, parce qu'on pouvait accéder partout en voiture. Et avec lequel je faisais entendre, au fur et à mesure que je les enregistrais, les sons aux ouvriers. Ça demande d'abord de comprendre ce qui se passe et puis de faire des choix, j'irais presque des choix un peu scientifiques. C'est est-ce que on fait des prises de son d'ambiance en essayant de prendre le maximum de choses, donc il y a des micros particuliers pour ça. Après, on essaie de se rapprocher. Est-ce qu'en se rapprochant, on change les micros ou pas? Est-ce qu'on fait des prises de son mono, stéréo? Comment est-ce qu'on écoute ce que les ouvriers entendent et non pas ce qui est à entendre? Parce que ce qui est à entendre, le micro, il entend tout, c'est horrible. Alors que les oreilles, elles entendent ce qu'elles veulent. Donc il y a une acuité auditive, une sélection auditive qui est faite par les opérateurs, qui moi m'intéressait de faire aussi pour faire entendre ce que eux entendent et non pas ce qui est à entendre. Et donc du coup, il fallait parfois prendre des micros très spéciaux et puis les mettre à des endroits très spéciaux. Donc il fallait aussi s'y connaître un peu, comprendre comment ça marchait. On pouvait pas être touriste là, on peut pas arriver comme un espèce de parachutiste voilà qui se pose sur le terrain et qui vient faire son repérage. Enfin, c'est pas possible. Et heureusement d'ailleurs, il fallait être un peu militant. Militant de l'environnement sonore, du son, de la prise de son, et militant aussi de la condition ouvrière, et comprendre un peu quels étaient les enjeux qui se passaient là-dedans, les relations entre les personnes, parce qu'il n'y a pas que les machines à entendre, il y a aussi les gens. Et les gens, ils se manifestent aussi à travers les machines, c'est-à-dire dans le rythme, dans la façon de se parler, la façon de s'appeler, la façon de se taire, la façon de ralentir. Tout, c'est des choses très subtiles qui... Je pouvais pas être nié et venir enregistrer que des machines, quoi. Moi, ce que je faisais à ce stade-là, c'était de, bon, de la captation, et qui avait valeur de trace. Et cette trace, elle, mon travail était un travail vivant de faire de la trace du présent. Donc moi, à cette époque-là, je savais que j'allais faire de l'archive, je savais que cette trace allait devenir de l'archive parce que l'usine disparaissait. Donc on était en train de faire du futur, c'est-à-dire on savait que le présent était en train de passer et que donc on allait constituer quelque chose qui allait rapidement devenir une archive. Vous savez, la voix tech, là je dirais que j'ai vraiment voulu faire une archive quoi. Quand j'ai commencé à enregistrer ces voix, parce que j'avais fait une émission de radio, j'avais fait un atelier de création radiophonique, un ACR pour France Culture. Donc je vais vous donner un petit extrait, cet extrait où les gens disent leur âge, et où là c'est assez fabuleux parce que là on n'entend pas le temps qui se déplace dans l'histoire, on entend le temps qui se déplace en nous. C'est-à-dire on entend vraiment un enfant qui dit « j'ai 7 ans » comme ça avec une voix assez aiguë, puisque tous les enfants ont la même voix aiguë. Puis petit à petit on commence à entendre les garçons muets et les femmes muets, d'ailleurs les jeunes filles muets. Puis une voix qui est très fraîche, un peu comme ça, qui est très ouverte, très comme ça, très articulée, ou l'ado d'ailleurs qui articule plus ou moins bien, genre je m'appelle machin, j'ai 18 ans, genre cache ta joie. Et puis un peu plus tard, à 20 ans, 30 ans, il y a une sorte de comme ça de d'émancipation, ou en tout cas on est plus à l'aise avec soi-même. Puis après il y a une espèce de gêne de l'âge. À un moment donné, vers entre 40 et 50, on dire son âge, ça devient un peu plus compliqué, même si on se voit, on ne sait pas qui est la personne et tout ça, mais en fait, c'est une espèce d'autocritique, enfin, de pudeur, de je sais pas quoi, de culpabilité. On n'aime pas dire son âge, et puis après, au contraire, on s'assoit dans son âge, ça s'entend très bien, vous allez le voir, on s'assoit dans l'âge, et on commence à dire, oui, j'ai 70 ans, du genre, on est un petit peu fier d'avoir 70 ans, parce qu'on se dit finalement, je m'en sors pas trop mal. Et j'ai quand même passé tout ce temps-là, et aujourd'hui, sauf qu'on le dit avec une voix qui est d'abord devenue plus grave, parce que toutes les voix baissent avec l'âge, et elle commence à devenir un petit peu plus hésitante, et un petit peu plus tremblotante. Et elle devient vraiment âgée. Et c'est assez beau de savoir que, là en l'occurrence c'est 100 personnes différentes, enfin 80 personnes différentes, que j'ai sélectionnées, mais en fait chacun peut se dire que c'est lui, c'est une seule personne. J'ai 7 ans et demi, j'ai 9 ans et demi. J'ai 10 ans. Et j'ai 10 ans. Et j'ai 15 ans. Et j'ai 17 ans. J'ai 20 ans. J'ai 25 ans. Et j'ai 26 ans. Et j'ai 30 ans. J'ai 31 ans. J'ai 35 ans dans 10 jours. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans. J'ai 53 ans pratiquement. J'ai 54 ans. J'ai 60 ans. J'ai 74 ans. Je vais sur 88 ans. Et j'aurai 90 ans au mois de septembre. C'est ce que devient la voix. Tout ça, c'est où? Tout ça, c'est par là. C'est là où vous êtes. C'est chez moi. Et il faut que je me préoccupe. C'est la même réponse que pour l'hôpital. Il faut que je me préoccupe de laisser ça quelque part avec le testament. C'est-à-dire avec le fait de n'oubliez pas de refaire la même chose tous les 50 ans. Y a des choses qui doivent absolument rester, tout ça, ça doit rester, la voix tech, l'hôpital, les usines, toutes mes prises de son du milieu doivent absolument être mises quelque part. Je vais m'en occuper, j'espère pouvoir m'en occuper, je vais m'en occuper, et si j'ai pas le temps de m'en occuper, ça sera fait. Classer le vivant, ça fait partie des opérations mentales où on caractérise ce qui existe, d'abord. On dit ce qui est et on nomme ce qui est. Et ça, c'est la toute première action de ce qu'on a appelé dans l'histoire des sciences l'histoire naturelle. Nous sommes ici au Muséum National d'Histoire Naturelle, et cette histoire naturelle, elle a commencé par la description de ce qui existe. Ensuite, c'est associé la notion d'histoire au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un récit. Des raisons pour lesquelles ce qui existe, existe finalement. Une classification traduit une vision du monde, c'est essentiel. En fait, si on regarde froidement les choses, il y aurait 1000 façons de classer ce qu'il y a là-dehors. Je suis Guillaume Lecointre, je suis professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, enseignant-chercheur. Je fais partie de ces gens dont la classification est le métier. En l'occurrence, il s'agit du monde vivant, me concernant. Alors, classer, c'est une activité fondamentale en science, mais toute science, en fait. Si on reprend les choses à la racine, les sciences, c'est rendre compte rationnellement et collectivement du monde réel. Qu'est-ce qu'il y a là-dehors ? À toutes les échelles d'observation, du chimique jusqu'au stellaire. Et donc, on doit expliquer l'origine des choses, comment elles fonctionnent, mais ces choses, on ne peut pas les singulariser tout le temps. Pour vous le dire clairement, je ne peux pas décrire un écosystème en donnant un prénom à chaque mouche ou à chaque coccinelle qui se promène. Je ne peux pas comprendre l'évolution des mammifères carnivores en donnant un prénom à chaque chat, à chaque chien et à chaque loup. J'ai besoin de mots de portée générale. Qu'est-ce que fait que la science est science ? C'est qu'on met sur la table des choses qui sont potentiellement partageables par tous les humains. On a donc besoin de fabriquer des concepts communs, et donc qu'on se mette d'accord sur ce dont nos concepts parlent. Tout ça pour dire qu'on ne fait pas de science sans classer, qu'on soit en sociologie, qu'on soit en anthropologie, qu'on soit en biologie, en géologie. Si vous voulez rendre compte de ce qui existe, il faut pouvoir commencer à appréhender intellectuellement ce qui existe. Sinon, il y a une classification par individu, et lorsque vous avez une classification par individu, on peut plus se parler. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le Muséum National d'Histoire Naturelle, évidemment, comme tous les autres grands musées en Europe et dans le monde, arrive ensuite de ce qu'on a d'abord appelé au XVIIe siècle les jardins botaniques. L'histoire du Muséum de Paris commence de cette manière-là, puisqu'en 1633, le roi accorde des terrains pour l'établissement d'un jardin botanique. Ces enjeux médicaux sont importants à l'époque, et donc c'est ce qui décide un premier savoir, alors qui n'est pas encore universitaire, mais qui n'est déjà plus scolastique. On va regarder les plantes, on va vraiment travailler les choses en sorte qu'on puisse en tirer quelques... Alors, profit, c'est pas encore un profit financier, mais en tout cas, un usage qui soit objectivé. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, 16e, 17e et 18e, enfin 17e, on est quand même très clair, on a toute cette notion de cabinet des curieux, cabinet des merveilles, qui est un mouvement qui s'inscrit ensuite de la Renaissance, un mouvement intellectuel, et qui va regarder la nature pour ce qu'elle est, et non plus à travers le prisme d'une lecture révélée, divine, ce que vous voudrez. Je m'appelle Jacques Cuisin. Je travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle depuis 1990 et aujourd'hui j'y occupe le poste de délégué à la conservation, c'est-à-dire que je m'occupe de la conservation des collections qui sont contenues dans l'établissement. Les collections aujourd'hui sont estimées pour l'ensemble du muséum à peu près 65 millions d'objets ou de lots. Alors vous allez me dire, c'est un peu vertigineux, je vous l'accorde. Mais enfin, il y a des ensembles qui sont numériquement très importants. Par exemple, on pense à l'entomologie, c'est-à-dire les insectes, et également les plantes, surtout dans leur dimension plantes à fleurs, parce que en fait, il faut voir que historiquement, ce sont des organismes qui sont faciles à collecter. Et les humains, d'ailleurs, au départ, avaient des classifications utilitaires. C'est-à-dire qu'en fait, on mettait ensemble des classes d'organismes parce qu'elles partageaient un usage que l'humain faisait de ces organismes. Un exemple typique, et ça c'était une catégorie, les animaux nuisibles, les nuisibles. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les nuisibles ? Bah, c'était un pot pourri de tout ce qui portait préjudice aux intérêts des cultivateurs. Un nuisible, c'est le charançon, la blatte, le renard qui fait des dégâts dans le poulailler, la belette, les rongeurs qui mangent les grains, les souris, les campagnols. Enfin voilà, c'était un joyeux mélange hétérogène. Donc les classifications utilitaristes, elles délivrent une vision de la biodiversité, ou comme on dirait aujourd'hui, qui est celle de nos intérêts. Ce que je vous dis là sur l'utilitarisme, ça a été décrit notamment en anthropologie. Ils ont pu comparer par exemple la façon dont les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée classaient les oiseaux. La classification des oiseaux chez les papous était extrêmement précise. Ils allaient même jusqu'à accorder des noms différents selon le stade de développement de l'animal, parce qu'ils utilisaient différemment les plumes de ces animaux pour de la parade. Ils exploitaient les plumes différemment selon le stade de l'animal qu'ils regardaient. Donc pour une espèce donnée, c'était pas le même nom sur le poussin, le juvénile, le mâle, la femelle, etc. Donc c'est pour vous dire que les classifications utilitaristes, elles datent des origines de l'exploitation de l'environnement par les chasseurs-cueilleurs. Dès que les préhumains ont réussi à parler, forcément ils ont classé mentalement. Ça va ? Nous sommes ici à l'intérieur de la grande galerie et plus précisément dans la salle dite des expositions temporaires, c'est-à-dire dans les sous-bassements de la grande galerie de l'évolution. La grande étape à retenir pour l'histoire de la maison, c'est l'arrivée de Buffon. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui arrive en 1739 au jardin comme intendant, qui va y rester 49 ans, donc presque 50, et là qui va faire exploser littéralement la notion de collection, les murs. Bref, aujourd'hui, le muséum, pour le site parisien sur lequel nous sommes ce matin, est un ensemble d'un peu plus de 11 hectares et 140 bâtiments dispersés au gré de ces hectares. La vocation du muséum est de décrire la nature. Donc c'est pour ça que la collection en fait a été établie, parce que la description est fondée sur la comparaison. Et pour comparer, c'est quand même mieux d'avoir les objets sous la main pour pouvoir dire que c'est le même ou l'autre. Donc c'est comme ça que ça commence en fait l'idée. Lorsqu'on aborde une réalité complexe comme celle du monde entier, bon, ce qu'on peut appeler la biodiversité dans le cas qui nous intéresse de la collection naturaliste, ou en tout cas quelques réalités complexes, bah, l'esprit humain n'est pas fait pour ça. On n'est pas capable je dirais que quelque part, notre compréhension globale, elle ne va pas au-delà de ce qu'on va voir sous les yeux. Et encore, mettez-vous à la campagne au printemps, c'est quand même très très compliqué, quoi. Donc on a besoin de séquencer, de couper, pour pouvoir appréhender cette complexité, cette diversité. La classification, c'est déjà ordonner les choses. L'ordre, il vous permet de... Vous allez nommer, en fait, si vous faites des tas, si vous voulez garder ces tas, il va falloir qu'ils correspondent à quelque chose. Donner un nom, c'est très important, parce que ça vous permet de dire, bah, ça c'est un merle noir et c'est pas un merle bleu. Et je vous le prouve en vous montrant les deux. C'est là aussi l'importance de la collection. C'est un témoin, la collection. Et puis rappelez-vous de finalement cette approche grecque, c'est que nommer les choses, c'est avoir une forme de pouvoir sur, c'est-à-dire les connaître, mais pas seulement superficiellement. À partir du moment où on donne un nom, au moment où on baptise en quelque sorte, eh bien ça veut dire qu'on a une connaissance un peu intime de la réalité. Dans l'Antiquité, on a l'héritage d'Aristote, qui nous restitue une vision du monde, Guillaume Lecointre, dans laquelle l'humain est au centre de toute chose. Et cette vision, elle a perduré dans le Moyen-Âge extrêmement longtemps. On a des traces au XIVe siècle de classification en échelle, où cette échelle des êtres, justement, où l'homme culmine en haut. Donc il y a les minéraux à la base, il y a les végétaux, puis ensuite il y a des animaux pas très nobles, et puis des animaux plus nobles qui nous ressemblent, et puis en haut c'est nous qui culminons. Puis au Moyen-Âge, évidemment, vu que les sciences s'expriment dans un registre théologique, puisqu'il n'y a pas de séparation à l'époque entre le savoir scientifique et le pouvoir religieux, bah, les sciences sont les serviteurs de la théologie, et donc évidemment au-dessus des hommes il y a les anges, et dans ces représentations on voit même un petit nuage. Et sur le petit nuage, il y a un palais, et ce palais, c'est le paradis terrestre. Donc l'échelle des êtres, attention, ce n'est pas une échelle évolutionniste, hein, c'est une échelle fixiste. Hein, quand on est sur un barreau, on y est pour toujours. C'est la création divine qui est organisée de cette façon, hein, dit-on. On a quand même, qu'on le veuille ou non, une influence très profonde des religions qui ont bercé l'Occident depuis des millénaires. Le corpus de la Bible décrit un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Et les premiers auteurs, parmi les premiers auteurs en langue française d'ornithologie, donc on a Pierre Belon du Mans là, en 1555 qui va écrire un traité de l'histoire des oiseaux. Et à cette époque-là, on a déjà les premiers ensembles qui reviennent d'Amérique du Sud, hein, le Nouveau Monde. Et dans ce Nouveau Monde, eh bien, évidemment, c'était des espèces qui n'étaient pas connues d'Europe, donc qui ne se retrouvent pas dans le corpus biblique. Et on voit bien que Pierre Belon, il fait des efforts, il fait rentrer tout ça au chausse-pied, et puis on sent qu'il ne va pas y arriver, quoi. C'est presque pathétique ce moment-là, parce que l'ancienne classification est en train de craquer. Et on va vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, par exemple, c'est typiquement ce qu'on reçoit quotidiennement à l'Herbier National, c'est-à-dire un paquet de spécimens qui nous est envoyé. Ça vient des Pays-Bas. C'est-à-dire que le plus souvent, quand c'est vraiment des spécimens qui viennent du terrain, ils sont conservés comme ça. Donc c'est des paquets qui sont présentés dans du papier journal et qui contiennent, j'ai envie de dire, le matériel minimum, l'essence en quelque sorte du spécimen. C'est-à-dire un fragment végétal avec, à minima, une information sur le collecteur et un numéro. Là, vous avez les initiales du collecteur et là, vous avez le numéro unique qui permet d'identifier de façon unique ce spécimen-là par rapport à tous les autres se référant au même collecteur. Donc là, c'est RZA1543. Ce qui fait la valeur d'un spécimen d'herbier, c'est l'information qui y est associée. L'idée, c'est qu'un spécimen comme celui-là, il soit le plus représentatif possible de l'individu plante que j'ai en face de moi sur le terrain. Cette information, on la consigne dans ce qu'on appelle des carnets de récolte, c'est-à-dire c'est des carnets qu'on a dans nos poches, et qu'on va remplir de cette information qui est associée au spécimen. Si par exemple vous êtes botaniste, que vous avez vos carnets de récolte, mais que pour une raison ou une autre, ils ne nous parviennent pas, c'est là pour moi le plus grand danger en quelque sorte, c'est qu'en permanence on ait ce lien à faire en générant une étiquette entre ce spécimen et puis ce souvenir finalement, cette espèce de fantôme du spécimen que l'on couche sur le papier mais qui n'est pas directement associé au spécimen lui-même. C'est vraiment ces deux éléments, étiquette avec les informations et matériel végétal, qui font la valeur d'un spécimen d'herbier. Et une fois que les deux sont associés, on va les monter. C'est un spécimen que l'on va attaché sur un support papier, souvent un peu type Bristol pour qu'il y ait une certaine rigidité, et sur lequel vous voyez clairement cette fois-ci toutes ces informations qui étaient associées à ce numéro de collecte. Donc on sait que c'est un arbre haut de 8 mètres avec des boutons et des fleurs à pétales blancs et des étamines jaunes. Les fruits sont verts. On a les points GPS très précis de l'endroit où la collecte a été faite. On a une description de la zone géographique dans laquelle ça a été collecté. On a la date, on a le nom de ceux qui ont fait cet échantillon, de ceux qui l'ont prélevé. Et l'étape précédente l'entrée dans le sacro-saint de la collection, c'est la numérisation. Le spécimen peut intégrer l'espace qu'on appelle les salles de collection, c'est-à-dire en gros l'espace, le bunker au sein duquel on conserve cette collection ici au musée. Je m'appelle Hubert et je suis technicien botanique. Voilà. Le but là, c'est de... En fait, c'est des images types, qui sont des images très importantes dans les collections, qu'on est en train de numériser à haute définition pour pouvoir les transmettre sur le web après. Puis, la suite après, c'est tout se fait à partir du code barre, en fait. Parce qu'après, je l'enregistre à partir du code barre, et ce code barre là, ça va pouvoir nous lier avec le taxon qu'on va lui mettre, la famille, le genre, et puis l'état là où on va le ranger dans les collections. Nous, on travaille essentiellement sur la conservation des collections. Après, qui englobe le rangement, même s'il y a plein de petits trucs derrière. C'est le travail après la recherche, voilà. Donc là, vous êtes au sein de la Biennale nationale, dans les salles de collection. Chacun des spécimens que vous avez ici est classé, organisé, en fonction d'un premier critère, c'est son appartenance à une famille végétale donnée. C'est-à-dire que là, on est devant les poacées, c'est-à-dire les graminées, et que dans ces étagères, bien qu'on soit au deuxième étage, vous allez avoir toutes les graminées, quelle que soit leur origine géographique. Donc les graminées d'Asie vont être ici, les graminées d'Afrique vont être ici, les graminées de Madagascar vont être ici, d'Amérique, d'Europe, etc. Toutes vont être ici. Mais, comme quand on est botaniste, on travaille sur un groupe de plantes données, et en général, on travaille sur un groupe de plantes données dans une région donnée du monde, on voulait quand même garder cette information géographique. Elle est passée en deuxième, comme critère de deuxième importance, mais on voulait quand même le garder visible. Et ce qui nous permet de le garder visible, eh ben, c'est ce code couleur. Alors attendez, on va prendre un exemple, donc encore une fois, vous savez, c'est bien donné. Et donc ce critère géographique, d'origine géographique, il se retrouve dans toute la polychromie que vous avez dans ces casiers, à savoir que les chemises en carton qui conservent les spécimens vont avoir différents bandeaux de couleurs. Un bandeau rouge indique que le spécimen provient de la zone Pacifique. Le bandeau vert indique que c'est des spécimens qui viennent d'Amérique. Un bandeau marron, que c'est des plantes qui viennent de Madagascar et des Mascareignes. Bleu pour l'Afrique tropicale. Mauve pour l'Afrique du Nord. Gris pour la France, jaune pour l'Asie, etc., etc., etc. Alors, des spécimens, on en a 8 millions. Au sein de cette collection, maintenant, quand vous rentrez dans ces étagères, vous voyez que différents casiers sont aménagés. C'est des grandes étagères qui sont mobiles, c'est ce qu'on appelle des compactus. Et ces étagères, elles ont été installées pendant la rénovation, entre 2007 et 2013, pour absorber en quelque sorte cet accroissement naturel des collections. Il était arrivé à un moment où on n'avait plus assez de place ici. Et comme on est une collection qui s'enrichit, donc entre, disons, 15 et 20 000 spécimens par an, eh bien, on a gagné de l'espace en adoptant ce système d'étagères mobiles qui nous a permis de doubler la capacité de stockage des spécimens. Parmi ces 14 salles de collection qui constitue l'herbier national, ben, finalement, en se promenant de salle en salle, ben, c'est aussi un voyage dans l'évolution des plantes. Au lieu zéro, vous allez avoir les plantes considérées comme les plus primitives, entre guillemets, donc les nymphéas, les magnoliacées, etc. Et puis, plus vous allez vous déplacer dans les salles, plus, quelque part, vous allez suivre le chemin de l'évolution et de la diversification des grands groupes de plantes et vous retrouver au quatrième étage parmi les familles de plantes qu'on considère comme étant les plus évoluées, des plantes qui, petit à petit, se sont spécialisées dans certaines stratégies de dissémination des graines ou dans certaines stratégies de pollinisation, etc., et qui sont le fruit d'une évolution plus longue, entre guillemets, que ce que vous avez dans les familles qu'on va considérer comme plus primitives. Donc on est à la fois dans un lieu de conservation, mais on est aussi dans un lieu de présentation des concepts évolutifs les plus récents. Il y a un petit fragment de cette collection qui n'est pas l'herbier général et c'est ce qu'on appelle les herbiers historiques. Alors, on est sur des herbiers qui sont organisés selon un système de classification que l'on a jugé comme suffisamment important historiquement pour être conservé dans l'état d'origine. Donc là, on est sur des spécimens appartenant à des herbiers historiques et les herbiers historiques, lors de la rénovation, parti a été pris de les conserver dans le format d'origine, c'est-à-dire dans des liasses sanglées, à l'image de la façon dont l'herbier en général était conservé avant la rénovation. C'est du matériel qui y est attaché, qui est attaché sur un papier d'époque, donc c'est un papier qui est très fibreux parce que c'est beaucoup des papiers dans lesquels on intégrait du textile, etc. C'est des papiers de conservation excellente. Hein, Tournefort lègue son herbier en 1708, c'est probablement des spécimens qui ont été collectés à la fin du 17e, et vous voyez que c'est absolument impeccablement conservé. Donc c'est de très belles collections en ce qui concerne les critères de conservation. Ce qui est intéressant, c'est que là on a vraiment toute une évolution la nomenclature, etc. Puisque ce que vous voyez, c'est qu'on n'a pas un nom de genre et un nom d'espèce, mais on a affaire à des polynômes latins. Donc Genista, Hispanica, Pumilla, Odorata, etc. Ça, c'est le polynôme latin, c'est-à-dire c'est l'état pré-linéen. Avant Linné, on n'avait pas ce système de classification binomiale, c'est Linné qui l'impose. Linné ne l'invente pas spécialement, mais lui, il l'impose. Et donc, avant cette imposition, on manipulait des polynômes latins, et Tournefort le fait de façon totalement légitime dans son herbier. Alors, Tournefort, Joseph Piton de Tournefort, est un botaniste qui travaille ici sur le site du jardin, enfin, de ce qui était à l'époque le jardin royal des plantes médicinales. C'est un botaniste qui va collecter beaucoup dans les environs de Paris, et il va faire aussi un grand voyage vers le Levant, l'Arménie, la Turquie, et donc il va ramener à la fois une collection d'histoire naturelle, un herbier qui est très important numériquement, qui représente aussi des zones géographiques intéressantes pour l'époque, hein. On est à la fin du XVIIe siècle, donc on n'a pas non plus une connaissance, enfin, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à faire. L'autre chose importante à dire au sujet de Tournefort, c'est qu'il se fait écraser par une charrette, le malheureux, lorsqu'il quitte le jardin royal en sortant par la sortie Geoffroy-Saint-Hilaire, et que c'est le premier qui va avoir le réflexe de léguer à Louis XIV, puisqu'il meurt en 1708, son herbier. Et donc c'est grâce à lui que pour la première fois, sur le site du Jardin Royal des Plantes Médicinales, un herbier va rester. Et donc c'est à Tournefort que l'on doit, en quelque sorte, l'embryon de cette collection que vous pouvez voir aujourd'hui. Alors on va ranger Tournefort bien tranquillement pour qu'il traverse les siècles à venir. Toute sérénité. Ça, je crois que c'était ici. C'était ça. Chez Linné, grand classificateur du début du XVIIIe siècle, cet ordre, c'est celui de la création divine. Il est inhérent à la nature, mais il vient de la création. Et à la charnière 18e-19e siècle, on a commencé à penser à une généalogie générale du vivant avec Jean-Baptiste Monet de Lamarck, 1809, d'ailleurs quelqu'un qui était au muséum ici. Hein. Si j'en parle, c'est parce que ça change la représentation qu'on se fait des causes pour lesquelles les organismes vivants existent. On n'est plus sur un monde fixe, créé de la main divine et selon un plan divin de création. On est sur un monde mouvant, où on sait qu'au cours du temps, les générations d'aujourd'hui ne seront plus demain ce qu'elles sont, et qu'hier elles n'étaient pas d'ailleurs ce qu'elles sont aujourd'hui non plus. Et celui qui va vraiment faire une prescription en matière de cahier des charges, de quoi devraient parler nos classifications dans l'idéal, eh bien, cet ordre naturel, c'est l'ordre généalogique. Et ça, c'est Charles Darwin qui nous le pose au chapitre 13 de la première édition de l'Origine des espèces en 1859. Chez Darwin, c'est au milieu du 19e siècle, donc, cet ordre, il est bien inhérent à la nature. Enfin, je veux dire par là que les organes ne sont pas distribués n'importe comment dans la nature. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ressemble à un ordre apparent, mais cet ordre, c'est le fruit d'une généalogie. Et donc, dès lors, le programme du classificateur, et ça, il n'y a pas de texte plus clair que celui de Darwin dans le chapitre 13 de l'Origine des espèces. Si un classificateur veut rendre un ordre dans la nature qui parle vraiment des origines de ce qui existe, ce que l'on cherche à faire depuis la Renaissance, hein. La classification naturelle essaye de dire, finalement, la classification va parler des origines, des causes premières, des raisons pour lesquelles les espèces sont là. Dès lors, pour Darwin, c'est la généalogie qui guide la classification. On doit mettre dans un même groupe des organismes, parce que ces organismes ont une origine commune, et qui manque personne à l'appel, c'est-à-dire que il y a un ancêtre et tous ses descendants, pas seulement une moitié de ses descendants ou une petite partie. Ce travail-là, il va mettre 100 ans à se mettre en place, Là, on est en 1859. Bon, bah, il va falloir attendre 1950-1960 pour que, intellectuellement, on dissocie le qui descend de qui est un travail de généalogiste et qu'on ne peut pas faire dans la nature, hein, les ancêtres ont disparu, d'un côté, et de l'autre, qui est plus apparenté à un deuxième qu'à un troisième, qui est une relation à trois, qui est une notion relative, d'ailleurs qui nous est intuitive. Je suis plus apparenté à mon frère qu'à mon cousin, et je suis plus apparenté à mon cousin qu'au voisin d'à côté dans la rue. Et puis on peut comme ça poursuivre le raisonnement jusqu'à l'origine de la vie. Je suis plus apparenté à un chien qu'à un ver de terre, et je suis plus apparenté à un ver de terre qu'à une paramécie. Finalement, cet arbre du vivant, cet arbre qui n'est pas vraiment un arbre généalogique, c'est un arbre de parenté, il raconte qui est plus proche de qui. Cet arbre, il intéresse potentiellement, en tant que programme de recherche, tout le vivant, et on ne sera capable de le construire que dans les années 50, 60. Alors, on ne classe plus en fonction des milieux, on ne classe plus en fonction des usages humains, en zoologie, en botanique, en paléontologie, en anthropologie, on classe par rapport à une origine commune. Donc il y a cet arbre du vivant géant qui fonctionne comme un programme de recherche. On a répertorié aujourd'hui 2 millions d'espèces. Et bien, potentiellement, on doit pouvoir décrire l'arbre de parenté des 2 millions d'espèces. Dans cet arbre du vivant aujourd'hui qui est un peu taillé en sphère... Guillaume Lecointre. Pourquoi en sphère? Parce qu'en fait, au centre de la sphère, il y a l'origine... Et puis, dans les trois dimensions de la sphère, il y a le déploiement du vivant. Finalement, l'humain est à la surface périphérique de la sphère, ou en périphérie du disque. Pourquoi est-ce qu'on parle de disque ou de sphère? Bah, c'est pour éviter d'avoir à gérer un haut et un bas. L'arbre taillé en boule, justement, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, parce qu'on a émancipé les sciences du discours des valeurs. Le rôle des sciences, c'est... de dire quelque chose de rationnel et de collectif sur le monde réel, que ça plaise ou que ça plaise pas d'ailleurs. Si ça plaît, les sciences ne l'auront pas fait exprès. Si ça plaît pas, le plus proche parent de l'humain dans la nature actuelle, c'est le chimpanzé, bah ça, il y a plein de gens à qui ça plaît pas, et bah, les sciences ne l'ont pas fait exprès non plus. Le monde des valeurs appartient à la politique, à la morale, à la philosophie si vous voulez, mais pas au discours scientifique. L'arbre du vivant est un programme de recherche à l'échelle internationale. La majorité des chercheurs considèrent aujourd'hui, d'ailleurs quand je dis la majorité c'est tous, considèrent que l'arbre du vivant est valable dans sa forme pour les organismes de grande taille. Néanmoins, s'agissant des micro-organismes, la communauté internationale des chercheurs sait que la représentation de l'arbre du vivant est insuffisante pour décrire ce qui se passe chez les micro-organismes. Pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir en rendre compte, il faut peut-être utiliser une figure graphique qui n'est plus tellement un arbre dichotomique, un arbre branchu, mais peut-être un réseau. Voilà, donc les morceaux de glace sont dans des sachets plastiques. Donc on ouvre le sachet plastique. Et là, on prépare de la glace pour être analysée au laboratoire. Et donc Kevin va découper sur la scie à côté pour faire un joli barreau de glace de 32 par 34 mm. Et donc chaque morceau a un numéro. Donc on sait que le numéro 10, par exemple, ça va de la profondeur de 9 mètres à 10 mètres. Sur les étiquettes, généralement, on marque le nom du forage. Donc ici, vous avez Dom C1 qui a été fait en 1999. Et puis le numéro de bague qui correspond à une certaine profondeur. Claude Lorius est un scientifique qui a été pour nous à la base de beaucoup de nos recherches actuelles. Il a hiverné de nombreuses fois en Antarctique et pendant ces hivernages, il avait, paraît-il, bu un whisky dans lequel il avait mis un morceau de glace qui provenait d'une carotte prélevée. Et au moment où il a mis ce morceau de glace pour rafraîchir son whisky, il a constaté qu'il y avait un petit crépitement, des petites bulles qui s'ouvraient. Et c'est là que, nous dit-il, il a eu l'idée d'aller regarder le contenu de ces bulles d'air. Je m'appelle Nicolas Caillon, je suis ingénieur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement, plus particulièrement spécialiste des reconstructions paléoclimatiques grâce à ces archives glaciaires. Et je suis participant au projet Ice Memory depuis les premières missions du Mont-Blanc jusqu'à la dernière en Bolivie. La glace, quand elle tombe, alors là je parle de l'Antarctique, mais partout ailleurs d'ailleurs, mais quand elle tombe, elle renferme, enfin il y a un processus de transformation de la neige en glace, et pendant ce processus-là, il y a des bulles d'air qui se renferment. Et c'est dans ces bulles d'air, c'est extraordinaire parce qu'on a la chance d'avoir dans ces bulles d'air un échantillon de l'atmosphère du passé. Alors le projet Ice Memory est né dans la tête d'un certain nombre de glaciologues, en particulier italiens et français en 2015, devant la fonte des glaces et l'accélération de la fonte des glaciers, et puis la richesse scientifique, mais aussi culturelle des glaciers, se sont dit qu'il fallait effectivement essayer d'en sauver des échantillons pour que les scientifiques des générations futures, et quand on dit générations futures, on pense même à 2, 3, voire 4, 5 siècles, puissent encore avoir de la matière première et puis puissent encore faire des découvertes qu'aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour faire. Je m'appelle Anne-Catherine Holman et je suis la directrice de la Fondation Université Grenoble-Alpes qui porte le projet Ice Memory. Donc pour l'instant, on a effectué deux missions dans le cadre du projet Ice Memory, la mission Mont-Blanc 2016 et la mission Bolivie en 2017. Les prochaines missions seront donc le Caucase russe en 2018. On prépare des carottages également au Grand Combin en Italie pour 2019-2020. Et puis on est en train de réfléchir à un certain nombre d'autres opérations avec nos partenaires suisses, nos partenaires américains et d'autres nations. Donc l'idée qui est partagée par tous ces scientifiques, donc français, italiens, suisses, japonais, chinois, russes, américains, brésiliens, suédois, autrichiens, etc., c'est de dire il faut qu'on mette à l'abri de manière sécurisée des échantillons de glace. Et de manière sécurisée, c'est important, parce que si on les garde dans un frigo, on sait que dans les décennies à venir, ce sera certainement sécurisé, mais plus loin, on n'a aucune visibilité. D'où l'idée de dire, on va créer un sanctuaire, une cave, au milieu du plateau antarctique, où une fois que ces carottes seront stockées, quoi qu'il arrive, et on ne sait pas, quoi qu'il arrive, ces carottes vont rester en bon état et vont rester dans le froid pour les siècles à venir. Donc, Ice Memory, en français, c'est la mémoire de la glace. Pourquoi la mémoire de la glace ? Parce que la neige, lorsqu'elle tombe, emprisonne en particulier les bulles d'air, mais plein d'autres choses. Au moment où elle tombe, et petit à petit, ça se transforme en glace, et donc ça forme les glaciers. Et donc, cette glace renferme la mémoire des climats, de l'environnement, des pollutions, voire même de la mémoire culturelle sur quelle agriculture a été pratiquée, etc. Et cette mémoire peut remonter loin, puisque sur le glacier du Mont-Blanc, on peut remonter à peu près à 200 ans d'histoire, mais sur le forage Illimani de l'année dernière, on va remonter jusqu'à 18 000 ans d'histoire. Les glaciers du monde entier renferment énormément d'informations. Très souvent, les gens nous disent « mais c'est que de la glace ». En fin de compte, non, c'est pas que de la glace, parce que nous, avec nos méthodes aujourd'hui, nos technologies, on arrive à lui faire raconter une histoire à cette glace. Parce que cette glace, elle a vu l'atmosphère du passé, et puis elle a emprisonné des choses, et donc elle contient plein de petits secrets. Et Cette carotte, ces échantillons de glace hein, qui mesurent à peu près 120 mètres pour les deux sites qu'on a carottés, donc le Mont Blanc et les Limanies, eh ben il faut l'imaginer comme un livre. Tout en bas, bah, c'est la vieille histoire, et puis le récent, il est à la surface. Et puis si on arrive à lire les pages une par une, eh ben on a l'histoire entière de la chimie de l'atmosphère, de la température qui faisait au-dessus du site, etc. Et toutes ces informations-là, elles sont en danger, non pas parce que le glacier va fondre complètement, hein. Dans le cas par exemple de l'Ulimani, on est à 6300 mètres, on n'envisage pas encore une fonte de ce glacier-là à court ou moyen terme. Mais en revanche, l'été, on peut avoir des couches de fonte qui va générer de l'eau liquide, et cette eau liquide, elle va percoler à l'intérieur de cette glace. Et là, les pages, quelques pages vont s'effacer. Ça veut dire que on sera plus capable, si cette eau percole et efface cette histoire, de lire ce bouquin et de comprendre l'histoire qu'il peut nous raconter. Donc l'idée, c'est d'aller sauver ces archives, et ces archives, si on les considère comme des livres, et d'en sauver toutes les pages. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Donc, le glacier Illimani, qui a été foré l'année dernière à 6300 mètres d'altitude, renferme au socle rocheux, donc le morceau de carotte qui est le plus profond, 18 000 ans d'histoire climatique. 18 000 ans. 18 000 ans, c'était bien avant l'invention de l'écriture. 18 000 ans, les hommes préhistoriques qui faisaient des peintures rupestres dans les cavernes, juste pour donner un peu une prise de recul sur ce que c'est réellement 18 000 ans. Tout l'enjeu, c'est de laisser quelque chose qui va se conserver, de propre, qui soit traçable et qui soit utilisable par des gens qui seront là quand nous, on ne le sera plus. On va laisser une bibliothèque, on va laisser une consigne sur nous, comment on imagine, comment elle pourrait être utilisée avec des nouvelles techniques, etc. Faire aussi de la pédagogie. Ces carottes, elles nous survivront. Et c'est là où c'est important, c'est qu'on a besoin, par ce projet, de léguer quelque chose. Et c'est en ça que ça nous motive aussi énormément à continuer à aller carotter ailleurs pour que cette bibliothèque qu'on va construire en Antarctique, qu'on va fabriquer, elle soit la plus grande possible. Aujourd'hui, là où on veut entreposer les carottes, il y a une température moyenne annuelle de moins 55 degrés. Et même si l'Antarctique subit le réchauffement climatique, il ne va pas fondre. Et ces températures-là, elles ne vont pas passer au-dessus de zéro. Donc ça reste quand même l'endroit le plus sûr pour conserver ces carottes à très long terme. C'est ça. Après, c'est vrai que l'Antarctique, c'est une terre de paix, une terre de science. Le traité antarctique protège ce territoire pour n'y faire que de la science et ne pas faire de guerre et ne pas être, que ce ne soit pas un territoire militarisé. Et c'est super, tant mieux. Donc il y a aussi cette dimension qui nous plaît beaucoup. On ne sait pas qui va ouvrir ces caisses dans 300 ou 400 ans. C'est un peu comme si aujourd'hui, on trouvait des caisses avec des échantillons biologiques qui datent du XVIe siècle, avec un écrit d'un scientifique du XVIe siècle. C'est la même aventure qui va se passer, quoi. Aujourd'hui, ça serait un buzz mondial. Et c'est ce qui se passera probablement dans 300 ou 400 ou 500 ans. C'était Le Monde en collection. Merci à Nicolas Frise, Jacques Cuisin, Marc Janson, Guillaume Lecointre, Nicolas Caillon, Anne-Catherine Holman et Hubert. Prise de son, Laurent Lucas, Michel Gassic et Sandrine Malon. Mixage, Claude Niort. Réalisation, Doria Zénine. Un documentaire de Laetitia Druard. Thank you. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez classer vos graines, bibliographie, lien, nous réécouter dans la serre ou nous podcaster pour le glacier, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, tous fichés. Mais dans un instant, on retrouve le journal de 18h.